Isanganiro. Jean Bosco, Nduimana. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Au sommaire de ce journal, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme déclare être préoccupée par la situation actuelle du pays liée à la pénurie du carburant et la flambée des prix. À cela, le directeur national de l'ONG locale Parsem recommande le retour de la Banque centrale sous le contrôle direct du ministère des Finances et une bonne gestion du circuit d'approvisionnement des produits pétroliers. Alors que la commune Guihanga manque d'eau potable depuis bientôt deux semaines, la ville d'Ongozi, qui fait également face à une pénurie similaire, a vu les bidons pour puiser l'eau augmenter de prix. Notre correspondant nous le dira. Et dans la chronique santé, un gynécologue nous donnera des éclairages sur le pleurite vulvaire, une maladie liée au manque d'hygiène des parties génitales chez la femme. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Certains habitants de la province Kayanza se plaignent d'être obligés de suspendre leur voyage faute de moyens pour payer les frais de transport qui sont très élevés ces jours-ci à cause de la pénurie du carburant. Les chauffeurs, de leur côté, disent qu'ils s'approvisionnent au marché noir à un prix élevé. Les passagers, de même que les chauffeurs, demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème, déplorant que même les prix des produits de première nécessité continuent à grimper. Voici le micro-trottoir de notre correspondant à Kayanza. Pas de carburant. Ils me demandent de payer un ticket trop cher. Je suis arrivé au parking depuis 4 heures du matin et le ticket était à 30 000 francs. J'ai été obligé de laisser le voyage. On paye entre 8 000 et 12 000. Nous demandons au gouvernement d'augmenter de force pour avoir du carburant. Sinon, nous allons tous mourir. Se déplacer dans ces jours n'est pas facile car les tickets ont augmenté de prix. Nous sommes venus de Bujumbura et nous avons payé 20 000 francs. Et c'est une chance car hier on payait 30 000 francs. Il faut que nos autorités fassent tout pour avoir du carburant. Si tu quittes Bujumbura pour arriver à Kayanza, on paie 20 000 francs, alors qu'avant, on payait 7 000 francs. Ceux qui sont chargés du vente de carburant doivent essayer de voir comment disponibiliser ce carburant, car même les prix de différents produits vont aussi diminuer. Tu peux passer toute la journée en attendant le déplacement, mais en vain. Nous les chauffeurs, pourquoi on ne déplace pas les gens? C'est parce qu'on n'a pas de carburant. Nos patrons ont récupéré leur véhicule parce qu'on nous manque de versement. Les passagers et les chauffeurs, nous tous, c'est un grand problème. Il faut que nos autorités fassent tout ce qu'il faut pour trouver du carburant. C'était le micro-baladeur de notre correspondant à Kayanza, Patrick Sengiumva. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme exprime ses vives préoccupations par rapport à la situation socio-économique actuelle dans le pays suite à la pénurie du carburant et aux prix qui montent. Dans une conférence de presse animée ce lundi, le président de la CNIDH, Dr Sixte Vinyini Muraba, a indiqué qu'elle ne cesse de donner des avis et recommandations aux décideurs pour que la situation du pays change au profit de la population civile. Car la situation économique est préoccupante comme c'est le cas aujourd'hui. La CNIDH, parmi les missions, a aussi la mission de surveiller les droits économiques, socio-culturels. Et là, il y a des fois où on donne des recommandations écrites, il y a des fois où on donne des recommandations confidentielles, il y a même des fois où on donne des messages personne à personne pour conseiller au gouvernement dans son rôle consultatif d'améliorer une telle situation et tant d'autres. Je pense que vous vous rappelez quand il y a eu l'arrestation de beaucoup de commerçants dans les marchés ici à Bujumbura, que la CNIDH a fourni un effort pour intervenir, mais aussi donner des conseils aux décideurs pour que ces gens soient libérés, mais aussi qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Il y a beaucoup de cas qu'on peut montrer ici et là, dans tout le pays, où la CNIDH du Burundi a contribué dans ce domaine. Et je pense qu'on fait la même chose actuellement. Je dois souligner qu'avec la production du maïs que vous avez vu, qui a été à grande échelle, on a même essayé de conseiller au gouvernement qu'il doit prendre des mesures pour que la récolte qu'il y a eu puisse être achetée, parce que sinon, ça risque de décourager la population burundaise et ça peut avoir un impact négatif législatives pour la production de l'année prochaine. Donc, chaque fois que de besoin, on donne des avis et recommandations au gouvernement ou aux personnes concernées pour améliorer les droits économiques, socioculturels. C'était le président de la CNIDH et le directeur national de l'ONG Parsem recommande le retour de la Banque centrale sous le contrôle direct du ministère des Finances et une bonne gestion du circuit d'approvisionnement des produits pétroliers. Parsem voulait rappeler au gouvernement, à la nation, qu'il ne faudrait plus faire de politique de démagogie. En matière de gestion du pays, il y a deux indicateurs clés qui prouvent la force économique d'un pays. Le niveau des réserves de change et le niveau des mois de stock de carburant. Actuellement, on en a une situation déplorable. Réserves de change, des mois d'importation, même parfois des semaines. Le stock de carburant, nous, on nous dirait qu'on n'a pas même une semaine. Alors que dans le temps, le Burundi avait au moins 6 mois de réserve de change d'importation et 6 mois de stock de carburant. Chaque pays au monde doit contrôler ces deux indicateurs. Deuxièmement, cette mauvaise gestion des devises, accompagnée d'une corruption légendaire, le mauvais circuit d'approvisionnement. Normalement, un bon circuit d'approvisionnement doit impliquer des acteurs privés capables avec une logistique nécessaire. Mais l'État veut se substituer au privé et veut importer lui-même le carburant. C'est impossible, c'est inimaginable. Pas un seul pays au monde où l'État importe le carburant, où les entreprises publiques importent le carburant. Il est temps alors de rectifier le tir pour que la situation ne se détériore pas à une ampleur quand même inimaginable. Assoit en bonne et forme une stratégie nationale de bonne gouvernance contre la corruption. Et la BRB pour mieux gérer les devises, il faudrait qu'elle soit encore sous la tutelle du ministère des Finances. Pour que le ministère des Finances assure la gestion et les supérieurs, en l'occurrence la primature et la présidence, en assurent le contrôle. Dans chaque système de gestion, il faut un gestionnaire, mais aussi il faut un contrôleur. Et la BRB devait alors édicter des règles de gestion transparentes sur l'utilisation des devises. Il faut aussi réorganiser son circuit d'approvisionnement et faire intervenir les privés, les rendre concurrentiels. Aujourd'hui même, on parle de la corruption au niveau des stations qui bénéficient de l'essence, plus que d'autres. Ça montre que la situation devient de plus en plus alarmante. Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG Parsem. Et Sandra Mohoza, journaliste de La Nova Burundi, a comparu mercredi 5 juin 2024 en chambre de conseil du tribunal de grande instance de Mukasa. L'objet de la séance était d'analyser pour la deuxième fois son maintien ou pas en détention préventive. Le verdict devait sortir normalement dans les 48 heures à partir de la date de la séance. Je rappelle que notre consoeur est détenue à la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril 2024. Elle est poursuivie pour deux infractions, l'atteinte à l'intégrité du territoire national et l'aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril cette année. Elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en Provence, Ngozi. Sa défense trouve que Sandra devait être libérée immédiatement. Et le journaliste Kenny Claude Nduwimana est détenu à la prison centrale de Mimba également depuis octobre l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il a comparu au mois de mai devant le tribunal de grande instance de Mukasa. Et après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet 2024. Et pour cause, son co-accusé dans cette affaire avait été libéré provisoirement et ne s'est donc pas présenté à l'audience. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal avec la commune Gihanga dans la province de Bouranza qui manque d'eau potable depuis bientôt deux semaines. Les habitants de la localité disent qu'ils se rabattent sur l'eau sale des canaux d'irrigation ou l'eau tirée du sous-sol communément appelée eau géologique trop salée et craignent le retour des maladies des mains sales. L'administrateur de la commune Gihanga explique que des pannes sont intervenues au niveau des sources de captage. Les détails dans cette correspondance de Space Caritas Kavanyana. Les habitants des différentes collines de la commune Gihanga contactés déplorent le fait que l'eau propre est introuvable il y a bientôt deux semaines. Ils précisent qu'ils utilisent l'eau sale des canaux d'irrigation ou encore l'eau tirée du sous-sol appelée l'eau géologique, trop salée comme ils le disent. Ils pensent que les maladies des mains sales peuvent profiter de ce manque d'eau propre et appellent les responsables habilités à résoudre ce problème. Au niveau de l'administration, on explique qu'il s'agit des pannes des tuyaux dans les localités de Musigati et Rugazi, tout près des sources de captage. Léopold Ndayisaba, administrateur de la commune Gihanga, appelle la régie des eaux à réparer ces tuyaux afin de remettre les choses dans l'ordre. Il appelle également la population à bien utiliser l'eau qui est encore disponible et à protéger les infrastructures comme les tuyaux, les bornes, fontaines et autres. Spécialitas Kavanyana, Bumanza, Radio Isanganiro. Et le prix du matériel utilisé pour la recherche de l'eau a augmenté jusqu'au double depuis le début de la pénurie d'eau en ville d'Ongozi depuis environ 3 mois. Par exemple, le bidon de 20 litres coûte actuellement 9 à 10 000 francs contre 4 à 5 000 francs burundais d'il y a 3 mois. Parmi les raisons de cette flambée des prix figure la forte demande de ces bidons liés à cette pénurie d'eau d'après les vendeurs de ces ustensiles. Apollinaire Muzakara. Depuis la pénurie d'eau observée dans pas mal de quartiers de la ville d'Ongozi, il y a environ 3 mois, les habitants de cette ville ont commencé à puiser l'eau dans les robinets publics. En cas de pénurie, ils se rendaient dans les marais entourant cette ville. Dès lors, les bidons et bagages ont sensiblement monté de prix. Un bagage de 200 litres coûte actuellement entre 90 et 100 000 francs bout. Même chose pour les bidons de 20 litres. Le prix a doublé. Ces habitants d'Ongozi s'agglutinent ces jours-ci devant les robinets publics, car l'eau est actuellement gratuite depuis la décision du gouvernement. En cas de pénurie, la population urbaine d'Ongozi fait recours aux conducteurs de taxis vélo pour en chercher dans les marais, moyennant 500 ou 1000 francs pour le bidon de 20 litres, ce que ses habitants qualifient de cher. Le gouverneur de cette province, Désiré Minani, tranquillise cette jour-ci que sous peu, l'eau sera disponible dans les ménages. D'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara, actualité internationale avant la chronique santé. Aucun passager n'a survécu à l'accident d'avion qui transportait le vice-président du Malawi et 9 autres personnes. C'est ce qu'a annoncé ce 11 juin 2024 le président de ce pays d'Afrique peu après la découverte de l'épave. L'avion a été retrouvé et je suis profondément triste et désolé de vous informer qu'il s'agit d'une terrible tragédie, a déclaré Lazarus Chakwera dans une allocution télévisée au lendemain de la disparition de l'appareil près de Mzuzu dans le nord-est du pays. L'avion militaire avait disparu des radars la veille après avoir échoué à atterrir en raison d'une mauvaise visibilité. Des images transmises à l'agence France Presse par un membre de l'équipe militaire de secours montrent des débris portant le numéro d'enregistrement de l'appareil, un bimoteur Dornier 228-202K. Et au Sénégal, la compagnie australienne Woodside Energy a annoncé ce 11 juin 2024 avoir commencé à extraire du pétrole du champ de Sangomar au large des côtes du pays. Woodside opère avec la Société des pétroles du Sénégal. Le champ en eau profonde, à environ 100 km au sud de Dakar, contient du pétrole et du gaz. Le projet vise une production de 100 000 barils par jour. Et le microbiologiste et biochimiste japonais Akira Endo, découvreur des statines qui ont révolutionné la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, est mort à 90 ans, a déclaré ce mardi 11 juin à l'AFP, l'un de ses anciens collaborateurs, confirmant des informations de médias locaux. Mercredi dernier, Keiji Hasumi, un autre biochimiste japonais, était également décédé. Akira Endo avait été son mentor et avait longtemps travaillé avec lui. Radio Isanganiro, chronique santé. Le prurite vulvaire est une maladie qui se manifeste par des démangeaisons désagréables au niveau des parties génitales chez la femme. Le gynécologue Gahungu Sylvestre indique que cette maladie est souvent causée par le manque d'hygiène intime. Au moment où il s'observe un bon nombre de jeunes filles qui se font soigner de cette maladie, ce médecin recommande aux parents d'inculquer à leurs enfants la meilleure façon de faire de l'hygiène intime avec de l'eau. Sheila Irambona. D'après le gynécologue Gahungu Sylvestre, cette maladie est caractérisée par des démangeaisons au niveau des organes génitaux externes de la femme. Le manque d'hygiène est l'une des causes de cette maladie. Les prurites, effectivement, se traduisent par des démangeaisons, des picotements et des brûlures, surtout au niveau vulvaire. Les gens qui vivent dans des maisons où il y a de l'humidité, avec effectivement des sous-vêtements qui ne sont pas bien conservés, ils peuvent effectivement provoquer ça, ces rites vulvaires. Mais l'expérience a montré effectivement que c'est à partir effectivement de 8 ans, chez les fillettes, c'est l'âge où elles commencent à faire sa propre toilette. Parfois, elles ne le font pas correctement et ça peut provoquer ça. Mais aussi, il y a aussi des vêtements qui peuvent effectivement provoquer ces démangeaisons. Ce sont surtout les sous-vêtements en nylon qui provoquent ça. Ce docteur indique qu'il reçoit au moins 5 jeunes patientes par mois qui viennent se faire consulter à cause de cette maladie et d'attirer l'attention des parents pour ce qui est de l'hygiène intime de leur adolescent. Ça devient de plus en plus le motif de consultation le plus fréquent, surtout chez les jeunes filles. Ils en charge effectivement, c'est la sensibilisation surtout des parents et de ces jeunes filles pour assurer une bonne hygiène. Il faut se laver juste à l'extérieur parce qu'à l'intérieur du vagin, il y a son pH, il y a une flore normale qui va. Et aussi, il faut savoir que la muqueuse vaginale se renouvelle. Donc, si vous mettez effectivement quelque chose étrange à l'intérieur, vous risquez d'altérer la flore vaginale. Donc, il faut utiliser seulement à l'extérieur. Et d'ajouter que les conséquences peuvent être fâcheuses si cette maladie n'est pas bien traitée. Comme c'est une infection, effectivement, au niveau des organes génitaux externes, si ça n'est pas traité, il y a bien sûr des conséquences à long terme. Conséquences comme, effectivement, à l'âge de se marier, ça peut provoquer effectivement le risque d'infertilité, le risque de fausse couche à répétition. Vous saurez également que les hommes peuvent aussi attraper cette maladie s'ils font des rapports sexuels sans protection avec une femme qui porte cette pathologie. Sheila Irambona. Ainsi se referme ce journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme déclare être préoccupée par la situation actuelle du pays liée à la pénurie du carburant et la flambée des prix. À cela, le directeur national de l'ONG locale Parsem recommande le retour de la Banque centrale sous le contrôle direct du ministère des Finances et une bonne gestion du circuit d'approvisionnement des produits pétroliers. Alors que la commune Gihanga manque d'eau potable depuis bientôt 2 semaines, la ville d'Ongozi fait également face à une pénurie similaire et a vu les bidons pour puiser de l'eau augmenter de prix. Et vous venez de le suivre, nous avons eu les éclairages du gynécologue Gaungo Sylvestre sur la maladie appelée pleurite vulvaire, une maladie liée au manque d'hygiène des parties génitales chez la femme. Merci à vous tous qui avez suivi avec intérêt ce journal. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Oh,